clubs and swarf car lovers don't mess around. Heavy hearts crashing out when they hit the ground. Get my fix, we don't need to talk. Seth, you a cake with the cherry on top, girl. You gotta get it now, no got no second chance. I'm gonna be shaking and baking and do my winning dance. I am your kind of girl, not here to waste my day. And much to do, back up, shut up and clean your plate. Toute l'équipe de Studequeb vous souhaite de joyeuses fêtes. Don't you look the other way as I give you signs. What we go through is a phase, we can turn the tides. Running round all day, staying up all night. And I'm faded, waiting for a sign from you. Understood. Please don't let wrong, I seem to be mad. Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Pas chérie, t'as même pas idée du combat qu'on mène. Moi je suis venu au monde pour inspirer ceux qui visent le sommet dans leur domaine. J'suis sorti du lit, j'ai pris du khalis, planqué le calibre, j'suis parti en guerre, chantant à tue-tête. La la la la la la la la la. J'ai charbonné toute l'année, j'vais faire du leçon tout l'été. Faire péter, chardonner, faux refrains veulent m'arrêter. Vais-je pardonner? Où sont mes frères? Je me recueille sur la tombe du taron. Je prends des bénédictions, je prends du galon. Que Dieu nous foutre droit si nous faillons. Y'a mon écran dans la télé de ton salon. Yeah. Je dois me barrer du lit, ne pleure pas chérie. T'as même pas idée du combat qu'on mène. Moi je suis venu au monde pour inspirer ceux qui visent le sommet dans leur domaine. Je suis sorti du lit, j'ai pris du khalis, planqué le calibre, je suis parti en guerre, chantant à tue-tête. La la la la la la. J'ai charbonné toute l'année, je vais faire du leçon tout l'été. Faire péter, chardonner, faux refrains veulent m'arrêter. Vais-je pardonner? Où sont mes frères? Dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi. Nouveau brushing, elle est coquette. J'ai pas son place, mais je connais celui de l'hôtel. Je laisse les feux blancs que te cortège. Tu pleures même si tu me protèges. Ça éclabousse. J'me définis comme un mec de rue. Y'a bien trop de talent pour rester dans la rue. Yeah. Je dois me barrer du lit, ne pleure pas chérie. T'as même pas idée du combat qu'on mène. Moi je suis venu au monde pour inspirer ceux qui visent le sommet dans leur domaine. J'suis sorti du lit, j'ai pris du khalis, planqué le calibre, j'suis parti en guerre, chantant à tue-tête. La la la la la la la la la. J'ai charbonné toute l'année, j'vais faire du leçon tout l'été. Faire péter, chardonner, faux refrains veulent m'arrêter. Vais-je pardonner? Où sont mes frères? Dis-le-moi. Cédric Web. Stay up, it's 10 in the morning. We just got in, I pour a drink, the sun is shining. Stay here forever, don't go to bed. I've never smiled this hard, I don't want it to end. Yeah, I've been on a high since I met you. Crazy times at the disco, there is nothing we can't do. Yeah, yeah, yeah, yeah. I've been up all night since I met you. You and I on the menu, there is nothing we can't do. I got some good ideas. You know where is that, so let's get out of here. I don't mean to brag, but girl, I got some good ideas. You're good, but you better give me all these good ideas. Good ideas. Exactly what I'm thinking. Yeah, we gotta get up. The sun is setting. I got a view, you gotta see. You won't regret it, trust in me. Trust in me. I've been on a high since I met you. Crazy times at the disco. There is nothing we can't do. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ha. I've been up all night since I met you. You and I on the menu. There is nothing we can't do. I got some good ideas. So let's get out of here. I don't mean to brag, but girl, I got some good ideas. You're good, but you better give me all these good ideas. Good ideas. Get out of here. I don't mean to brag, but girl, I got some good.